Vous écoutez Choc FM. À moins que tu éteins ça et que tu montes au max, ouais, c'est mieux. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de politique, d'argent, de meurtre, de sang, de viol, là, toutes les affaires qui font vibrer les jeunes. Vous êtes à 70%. Ah, tu racontes ma vie? Non. Ah non, c'est celui de Boris qu'il faut mettre. J'ai failli mettre celui d'Israël. On aurait survécu. Oh. Edgar Boris, mesdames et messieurs. C'est qui donne 170%? Comme individu reçu au bal des neurones. On est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort, du bon bon bon fort, chaton, mais doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les douteux, tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Ouf, on est de retour. Ouais. Enfin. Toujours plus fort. Donkey Kong Country 3 ou Axelé ou Super NES en background? Ça sera le fun. Donkey Kong. Tout le monde aime le singe, hein? Bah, oui. Bon. On aime ça, les rythmes africains tribaux. Tribaux? Mais voilà, c'est-tu assez tribaux pour toi, ça? Ben, au lieu de se payer un voyage à 2000$, on écoute ça, puis on a l'impression d'être ailleurs. On a l'impression d'être dans Donkey Kong Country 3. Ça. Ou d'être jadis. Ouais. On se rappelle que ça avait été une chip révolutionnaire pour l'industrie. Ouh. Rareware, en plus, c'est les premiers jeux qu'ils ont fait, Rare. Ouais. Ouais, les deux Donkey Kong Country. Puis après ça, ben, ils ont fait GoldenEye. Avec ça, ça a pogné pas mal. Mm-hmm. Puis là, ben, ça a tout explosé. Là. C'est comme d'habitude. T'as juste à donner trop d'argent à une gang de gars qui réussissent trop vite. Tu vas voir que ça s'en va. Ah, ils vont tous mettre un hélicoptère. Explose. Expert en merde. Parle-moi-en pas. Jessica, tu vas nous parler de quoi sinon? De quoi tu veux qu'on parle? Ben, je vous parle toujours du showbiz québécois dont je me moque un peu. Showbiz un peu international, mais aujourd'hui, vraiment, je me penche sur nous-mêmes. J'ai des saluts du jour, des anniversaires du jour, des éphémérides du jour, plein d'affaires du jour. Et voilà. Soupe du jour, je te dis pas encore c'est quoi. On a là-bas Maxime Georges. T'es quoi? T'es le drummer pour... Pour les incendiaires et aussi un grand contrepéteur à mes heures. Et voilà, donc on va essayer de parler plus. Je me demande qui peut bien te payer pour faire ces affaires-là. Dieu. Ah, oh, un bon boss. Hey, Paul Sarrazin de retour avec des belles morales. Hein? C'est ça, t'as écouté le show, t'as été inspiré. Bruno, toi, t'as parlé de procès. Ouais. Il va y avoir... Je pense que ça parle d'argent dans toutes mes nouvelles, en fait, cette semaine. Ben, t'en manques-tu? Dans ton inconscient, ça fait peut-être chercher des trucs portés à l'argent? Bruno, man, tu sais quoi, déjà, t'étais un 61-7? J'étais un 30... Ouais, 26-8. 27-9. Non, ça c'était moi. Ouais, non, moi j'étais 30. En tout cas, j'étais comme Paul Sarrazin. Ouais, c'est ça qui est important. Qui était comme Gandhi. En fait, pour ceux qui se rappellent pas, c'est des chiffres qu'Evelyne nous avait fait parvenir en fonction de notre date de naissance qui nous en dévoilait sur notre propre personnalité dont on ignorait évidemment voilà, les profonds fondements. Les raccoins sombres de Bruno Corbin. V'là deux ébats, c'est l'émission dévoilé passée. Dévoilé dans un livre en 10 pages. Ah, c'était celui où est-ce que ça disait que des fois j'avais des frustrations. J'étais vraiment pas d'accord. Puis que si t'étais stressé, des fois tu dormais moins. Ouais, aussi, quand t'étais excité, tu dormais moins. Toi aussi? Uh-huh. On est tous pareils. Eh, non, moi j'étais 33-6. On va la prendre à un autre moment donné parce qu'elle n'est pas là à soi. Mais on a DJ Georges. Ben oui. Mais moi aujourd'hui j'ai un spécial sexe, les amis. Alors si vous avez moins de 18 ans, changez de poste. C'est le moment. Et voilà. En sinon. Il n'y a pas de poste. Changez de site web. C'est vrai. Hey, moi je vais commencer avec Gilles Langourou. C'est une erreur de ne pas avoir encore fait jouer celle qui va jouer bientôt. On parle de Hollywood ou Halloween. Soit tu lose ou soit tu win. C'est de sa faute à lui. On l'écoute à 70%. Voilà. faudrait juste qu'on invite Gilles Langoureux. Avec de l'eau. Non, on repart la porte. Jamais. Je voulais voir si vous étiez attentif. Okay, ouais. Ah, alors, on va y aller en nouvelles tout de suite, là, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hein. Il y a un vendeur sur un serveur équivalent à eBay en Chine qui vendait jusqu'à récemment un étrange produit. De la salive de belle-fille. Le vendeur affirmait que la salive était un tonique, et là il y a des gros guillemets, et demandait l'équivalent de 5$ par petite bouteille. Les annonces incluaient une photo de jeune fille de 18 ans desquelles la salive avait présumément été prélevée pendant leur sommeil. L'acheteur pouvait payer plus tard après avoir vérifié l'authenticité du produit. L'enchère a été retirée. Le vendeur n'a vendu aucune bouteille de salive. De jeunes filles de 18 ans. De jolies jeunes filles. Se font prélever la salive. Je ne sais pas comment tu fais pour vérifier l'authenticité. Comment tu fais dans salive pour savoir que c'était une belle fille? Ben, les tests d'ADN. Je ne sais pas c'est quoi tu fais avec ça de beauté. Non plus. Comment? C'est quoi, tu le bois? Je sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est un tonique, faut que tu le bois. Ouais, probablement. Ou tu te l'injectes peut-être. Par intraveineux. Merci Bruno. Est-ce que t'en as un autre? Ah ouais, on peut y aller, on va continuer. Alors, malgré la chute des prix des maisons à Boston, les espaces de stationnement sont très convoités. Un acheteur non identifié a acheté un espace de stationnement près du jardin public pour la somme de 300 000 $, ce qui en fait l'espace de stationnement le plus cher dont vous ayez entendu parler aujourd'hui et incidemment dans la région de Boston. Mm-hmm. Debra Sordio, agente immobilier qui a fait la vente, affirme que les résidents des environs se sont livrés une guerre d'argent afin d'obtenir l'espace de stationnement. Le prix est plus élevé que la majorité des maisons, mais c'est un maudit bon parking. Quand même. Ben, j'espère. Comment t'as dit? Comment? De l'argent, là. Ouais. Ouais, de l'argent. Ouais. Pour le parking? 300 000. C'est quand même. Dollars. Aïe, c'est pas pire. US. Mm-hmm. C'est des priorités, ça. Ouais. Ben, écoute, à un moment donné, il faut que tu te parques. Ben oui. T'as pas le choix. Hein? Quand t'habites dans ce coin-là, là, t'as pas d'espace de parking, tu tentes pas de charger dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Non, non. Tu sors 300 000 piastres. Ben, c'est ça. Ça. Quitte à vendre ton auto pour il doublait le budget, puis il t'ouvrait le rapidotron. Voyons donc. Ben, merci beaucoup, Bruno. Je suis sûr que ça va revenir au cours de l'épisode qui va être ponctué de quelques courtes séquences du film de ce soir. J'en ai pas encore parlé. C'est vrai? Quel est le film de ce soir, Tommy? L'excellent Les Chabotés avec Donald Lautrec et Donald Pilon dans le rôle des gars qui trouvent des prétextes pour cabotiner et nous montrer des boules. J'ai pas écrit de texte parce qu'il y a pas ben de jus autour de ça. Et c'est peut-être là que se trouve la magie de ce classique de 1971, les années comme la presqu'île et puis ces affaires-là. Là. Dans le temps, comme je disais tantôt, que les madames en étaient pas rendues à être les pires ennemis l'une de l'autre. Et puis, ben l'opinion des mâles pouvait compter quand... Dans le sens qu'il y a des boules tout le temps. Je te trouve un peu amant. Mais moi, film dans ce film-là, ce qui me choque, c'est pas les boules. En fait, j'adore ça, les seins féminins, surtout. Mais oui, c'est les moustaches un peu plus. Mais Tommy, toi, j'aime la tienne. T'es vraiment une exception. Mais il y a beaucoup de moustaches dans ce film-là. Et c'est ça que je vais trouver difficile ce soir. À chacun son défi. Donc, on va essayer de compter. Pour l'instant, il n'y en a pas pour vous autres. Mais il y a Donald Lautrec qui est en train de se regarder dans le miroir. Fait que j'en ai une de trois quarts dos puis une de trois quarts face. Play. La classe à date. Ouais, on peut voir qu'on est tombé sur un bout qui ressemble plus à ce qui se faisait il y a 200 ans. C'est ça. Le skipper, là, ça fait une des cigarettes, non? Quelle belle voix, quand même. Là, on a Donald Pilon qui s'assoit le matin sur le trône blanc pour faire ce qu'il a à faire. Ah, c'est sublime. C'est un film folichon. Moi. Coudon, vas-tu mobiliser la salle de bain toute la journée? Ouais. C'est quelle réplique? Mais voilà. C'est peut-être le plus haut dans le décibel qu'on va aller de l'autre bord. Les textes sont bons, hein? Ah. Ça doit être dur une semaine au Pôle Nord. Okay. Donc, je pense sur cette phrase très, très sage. On va retourner vers la chronique de DJ Georges. Bien sûr, ça me fait plaisir de passer après ça. Oh, attention, mon micro il fait des siennes encore. Voilà. Alors, mais d'abord, une petite pause. S'il vous plaît. Oups, ça marche pas ma pause. Mon micro, il marche trop, puis ma pause, ça marche pas. Hey, c'est vraiment spécial, ces affaires-là. Yep. Je suis sûr qu'on va trouver un coupable à un moment donné. J'ai l'impression que t'es pas une personne équilibrée. Non, hein? Non. En tout cas, je vais essayer de partir une toune juste pour voir... Si la pause juste marche pas. Juste pour voir le monde. Que les tunes marchent. Fait que fuck les pauses. Ben, de toute façon, on vient de s'en faire une. Ben oui, ça, ah c'était ouais. Une pause. Ça veut-tu dire que tu vas skipper l'enfer de la drogue cette semaine? Oui, ben, regarde, je peux le faire à capella. Mais on peut quand même remercier Normand Boivin. Oui, OK. Ouais. Merci, Normand. Merci, Normand Boivin. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on fait un spécial sexe. Et puis, le sexe dans la chanson, il y en a plusieurs catégories, mine de rien. La catégorie la plus importante au Québec, c'est certainement le gros sexe cheap sans subtilité. Et le roi du genre, c'est évidemment André Guitard. Donc avec, par exemple, son meilleur exemple de ça, c'est ce que j'ai parti tantôt pour tester le tout, La Petite Grenouille. La petite grenouille, c'est au grapeau, passe tout rentre, tu t'auras ta peau, ma crise de chienne. Parce qu'on voit en fait là-dedans, là, c'est que toutes les deux lignes, c'est juste des prétextes à des grossièretés sans queue ni tête. Il n'y a aucun propos central, c'est juste qu'on garoche des insanités une après l'autre. On note aussi qu'il y a eu un remix dance de ça, qui est fort intéressant. Enfin, mon toi! Hein? Ça, c'est beau, ça? Puis ça, c'est des chansons que tu peux écouter dans la chambre à coucher avec ben oui. la demoiselle. Exactement. Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance que de partir la petite grenouille tito au crapaud? À l'apéro. Oui, c'est ça. Pour passer subtilement un message. Sinon, ben, tu peux mettre la version dance si l'ambiance est plus à... Si c'est un peu plus de party. S'il y a plus que deux personnes, moi, juste tu mets la version dance. Dance. Ouais. C'est-tu lui qui avait fait le 7 carré érotique? Non, c'est pas lui. C'est un autre, d'ailleurs, que je l'ai pas mis, le 7 carré érotique, cette semaine. Je l'ai, mais je l'ai pas apporté. J'ai préféré plutôt mettre la chanson du sexe de Arthur Lavoie. Donc ça, c'est dans le même genre. Et c'est tiré des fameux albums Les Grandes Chansons Cochonnes qui ressortent à chaque temps des fêtes. Sur la pochette de ces albums-là, on lit « Interdit à la radio ». Donc, je sais pas ce qui va arriver, mais je vais la faire jouer pour l'autre. « Strictement interdit aux enfants », contient un langage qui peut être inconvenable pour certains auditeurs. Donc, je vous passe la chanson du sexe. Le grand Napoléon disait à Joséphine, montre-moi tes tétons, puis je te montrerai ma fine. C'est du grand temps. On voit que c'est sur l'air des fraises et des framboises, puis c'est même le même refrain exact qui n'est pas changé. Ce qui est un fait intéressant aussi, c'est que on n'a pas de problème tout le long à dire toton et pin, mais on n'ose jamais dire le mot cul. J'en ai un petit exemple ici, à 1 minute 42. Regardez bien ça. Des jeunes filles, j'ai entendu, n'écoutent pas leur mère. Ils se laissaient prendre l'air, les fraises. Ah, ça, on ne pourrait pas le dire. Hein? Faut tracer la ligne quelque part, puis la ligne, c'est avant les cuillers. Alors ça aussi, c'est le même principe. Encore une fois, c'est complètement décousu. Il n'y a pas aucun propos central. Ben là, il parle de fraises, de framboises. Des fraises de framboises, de poignées de cul. Napoléon qui monte la pile. Il y a des gros rires gras en perspective tout au long de ce genre d'album-là. Il y a aussi dans le même genre, mais quoi que c'est un petit peu plus là, centré autour de quelque chose. Il s'agit de Pierre Gervais qui chante « Pedro le Mexicain ». Ça, c'est tiré de l'album « Chansons drôles et osées, les meilleures ». Ils ont tous pitchés d'un arène, c'est ceux qui sont sortis. La grande classe. C'est pas de ma faute, hein? Moi je suis toujours bande. Et voilà. Donc c'est comme ça pas mal tout le long. Je dédie cette chanson-là à Louis-Éric Gagnon qui me l'a demandé l'autre fois puis que je l'avais pas. Fait que là, fait que Pedro, il est avec une pute. Ouais. Puis là, c'est la première fois qu'il va faire la chose. C'est ça. Puis, mais il est tout le temps bandé. Tout le temps. Bandé, ça commence bandé. Là. Puis à partir de là, il reste bandé jusqu'à la fin de la chanson. Donc tout le temps, c'est comme 2 minutes 28 finalement. Quel homme. Fait qu'on voit que là, ici, quand même, il y a plus un thème. On raconte un peu une petite histoire avec un personnage principal qui vit des choses au lieu de juste accumuler des couplets sans lien les uns avec les autres. Fait que déjà, on voit pourquoi que c'est les meilleurs. Et il s'assume. Oui, tout à fait. Moi, ça me rappelle un peu Joël Denis, personnellement, comme genre. Donc, sinon, ici, j'ai-tu d'autres choses? Ah oui, Daniel Wilson qui nous chante Père Thibaudot. Ça aussi, un petit thème central, mais tu sais, c'est juste, c'est très ténu, là. Vous allez voir comme c'est sympathique. Petit Bodo, c'est un bon garçon. Petit Bodo, c'est un bon garçon. Petit Bodo, c'est un bon garçon. Je vais répondre. Petit Bodo, c'est un bon garçon. Je le connais pas. Le bout du cul, lui traîne à faire Don Dan, son of a bitch. C'est un bon garçon. Don Dan, son of a bitch. Oh, ta graine dans ma sandwich. Fait que ça, c'est comme ça tout le long aussi. Petit Bodo, il vit toutes sortes de petites aventures. Donc voilà. Du même auteur, Daniel Wilson, j'ai déjà entendu Ma belle-mère en Bessic à gaz. C'était lui, ça? C'était lui. J'aimerais beaucoup ça, revoir ça, parce que je la trouve plus. Fait que si jamais tu l'as, toi? J'ai juste vu en cassette il y a 20 ans, puis je regretterais toute ma vie de ne pas l'avoir acheté. Voilà. Avec La Bonne Femme, pour de vrai, sur le Bessic à gaz en cuir, là, c'est de toute beauté. C'était vraiment beau. On a vu la même cassette. Moi, je l'avais vu Merci dans un marché. Merci de nous avoir amené tes regrets, en tout cas. Ben, écoute, ça fait plaisir. Je n'ai que ça. On les accepte. Ouais. Hey, moi, je pense que je vais prendre le contrôle un peu. T'es sûr? Ah oui, Pain Thibaudot, c'est un bon garçon. Il m'en restait juste 18. Ouais. Puis le show, il n'est pas fini, mon gars. Ça, faut pas oublier ça. Je vais aller chercher ici l'introduction de Chuck Norris, Karaté Commando.

descendu au Bonaventure. Vous connaissez? Oh oui! Vous demanderez Monsieur Pipondou. Lou Pipondou pour les intimes. Pipondou! Excusez-moi, ça fait une belle photo, hein? Mais c'est du chantage. Sans frein. Petit salopard. C'est pas poli, ça. Après tout, ça fait un beau souvenir. $20, it's very nice, very clear picture, no? Tu peux te la mettre où tu passes, beauté, il n'y a personne qui va te croire. Minute, maman. Juste entrer et sortir. C'est rien. Fermez-vous, merci. Merci. C'est beau. C'est funky. Ouais. Ça a l'air bon, le film, en tout cas. Bon, oui, il est en train de faire une stratégie un petit peu comme dans Les Lavigueurs des ménages. Là. Il y avait de lui amis filles qui allaient donner des becs à du monde au hasard. Lui, prenait des photos, puis après ça, il le faisait chanter. Ah, ouais. Mmh. Tout ce qui aide l'humanité à devenir meilleur. Ben oui. Un petit peu comme la contrepétrie. On a ici le maître en question, le seul gars que je connais qui est payé, d'ailleurs. Ben, le maître, c'est vite dit, là. Je suis un apprenti, mais de haut niveau. Ah. Un néophyte. Non, pas un néophyte, mais plus loin que ça. Là, j'ai quand même passé le stade. Un padawan, mettons. Ouais, mettons. I'm on my way to be like a god. Un demi-dieu, non? Ouais, c'est ça. Donc, ben, la contrepétrie qu'on peut appeler aussi contrepaix, à notre guise, ça nous tente, c'est un synonyme bien amusant. Alors, la contrepétrie, qui vient de l'ancien français contrepéter, qui veut dire imiter par dérision. Donc, c'est une interversion plaisante de lettres ou de syllabes dans un groupe de mots. Alors, on raconte que la première contrepétrie aurait été inventée par les proches de Vercingétorix, ce chef gaulois, d'antan. Oui, oui. Alors, donc, justement, ses congénères disaient « Ah, Vercingétorix, hiverge saint et thorax », parce qu'on sait que c'est un fervent amateur de la branlette espagnole. Donc, la contrepétrie, souvent introduite par la phrase « Il ne faut pas confondre », car c'est important de ne pas confondre les deux phrases, parce que si on est un peu dyslexique, ça peut porter à des situations un peu cocasse. Et puis ça, on veut pas être dans des situations cocasses parce qu'après ça, on se ramasse comme dans des films un peu sournois. Bon, non, mais il y a des plans avant de faire ça. Là. Oui. Oui, il y a des solutions. Appelez-nous. Oui. Donc, alors, ben voici quelques contre-paix de mon cru, hein, à ne pas confondre avec contre-près de mon cul. Donc, il ne faut pas confondre « Je te le mangerai tout cru » et « Je te le mangerai le trou de cul ». Que j'ai un peu raté, mais c'est pas grave, faire ça, on va arranger son montage. Ça reste dans le bon lexique, en tout cas. Oui, c'est bon. Ne faut pas confondre fesses les dents et dans les fesses, parce que c'est pas la même chose du tout. Non. Ne faut pas confondre traiter le pouls et péter le trou. Non plus, ne pas confondre les nains sus et les seins nus. Ouais, c'est pas dans un sauna. Ouais, exactement. dans le même ordre d'idée, ne faut pas confondre non plus la poune nue et la noune pue. Peut-être que la noune de la poune nue pue. Probablement. Mais est morte, en fait. Fait que sûrement que ça sent pas très bon, hein? Non, sûrement. Mais même avant, là. Ouais. D'après moi, là. On demandera à Gilles la tulipe, il doit savoir ça, lui. Probablement. On va l'appeler. On l'a justement avec nous. Ah oui? Non, ah, c'est ben, des illusions encore. Ne faut pas confondre faire l'amour et four la mère. Parce que ça peut facilement porter à confusion. Tu sais, tu te ramasses à des situations un peu burlesques. Conflictuelles. Un peu burlesque. L'inceste, c'est vraiment un peu burlesque. Oui. Et bon, surtout, ne jamais, jamais, jamais confondre Jean-Luc Labelle et Jean-Cul Labelle. Ah, c'est vrai. Alors, c'était quelques-unes de mes magnifiques contrepétries qui sont disponibles en me parlant. Et quelque part en bas de la ceinture. C'est ça. C'était vraiment un sacré lexique, mon Maxime. Parce que la contrepétrie n'est pas... on peut faire des contrepétries aussi plus... moins vulgaires, tu sais, mais le plaisir, c'est de faire des contrepétries, justement, qui sont un petit peu, là... Mais moi, je suis sûr que dans ta sagesse de contrepéteur, là... T'as spoté que lui, il avait un spécial, un petit peu spécial. Ben, exactement. Tu t'es adapté tout de suite. Et voilà. D'un coup, il bondit. Je l'ai vu, il les écrivait pendant que je faisais jouer mes tunes. Ah ouais, moi j'entendais une espèce de rugissement de tigre dans ma tête, là. Puis ça paraissait que ça venait de ses yeux. Ouais. Puis rien de tel aussi pour faire la cour à une jeune demoiselle, une bonne contrepétrie bien placée, et puis toc-toc, c'est sûr. Ah, que... oui. Oh, oui, tout le monde est poche. Amoureux des figures de c'est style. Et voilà. Femme contrepétée est à demi-baisée, comme le dit pas mal. Ben, ouais. Mais c'est ça qu'on m'a appris dans mes premiers temps de contrepéteur. Hein. C'est un adage. Leçon de base. Ben ouais, voyons donc. Hey, on va écouter ici le prologue de l'histoire qu'à peu près tout le monde connaît. Au retour, j'aimerais ça que tu nous fasses, Maxime Georges. Ben, d'abord, merci d'être passé. Ben de rien. C'est sa première visite. Tu sais qu'à partir de maintenant, t'es le bienvenu. Yeah, automatiquement. Yeah. Ben oui, c'est ça. Uh-huh. Faut juste subir une émission pour après ça avoir le droit de revenir. on va écouter ici le prologue de la chose. Puis en revenant, tu nous feras un indicatif. OK. Je m'appelle Maxime Georges et blabla. Ouais, ouais. C'est ça. Super. Non, il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Kraou le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Raon. Dante. Il s'appelait Dante. C'est ça. Il a trouvé le secret de l'immortalité, c'est-à-dire manger des vers et des mulots. Au moins, c'est pas de la nourriture verte. Au moins. Ça au moins se mérite, là. Elle fait un lien avec Troll. Troll 2. Oh, bug! Oh boy, hey, toi, oh, bravo. Merci. Les Gremlins. Elle fait des liens. Hein? Ouais, c'est capoté, maintenant. Elle est à même vers pas là, 7h30, normalement, je commence. À 7h30, on tamise les lumières et Jessica fait des liens. Ouais. Hey, rendu là, moi, je pense que DJ George. Oui. J'aimerais ça te faire écouter ici une chanson que un de mes frères a faite jadis. Ah, d'accord. Ça s'appelle Tire-toi une bûche. OK, ça a l'air sympathique. Il a fait ça avec un de ses amis, puis c'était vraiment pour tourner en dérision un petit peu le boom des jardismes. j'aime beaucoup cette chanson-là, puis eux autres, ils l'ont faite en blague, et puis jamais ils veulent que ça paraisse et que le monde soit au courant et être associé à ça. C'est pour ça que je vous dirai pas le nom de celui qui va participer à la chose qu'on va écouter là. Puis en revenant, ben, ça va être encore à toi pour nous faire vivre des aventures. Tout à fait. Bon, je ben, suis prêt. Voilà les chummies, ça dure 2 minutes 30. Rien là. Le ciel est clair à soir, les filles sont belles à voir, des bouches douées dans une bière. Santé à toi, mon frère. y est, il a réussi à démarrer. Alors, mon petit bonhomme, t'inquiète pas, l'aîné, ton héros va réussir. Est-ce que tu serais jaloux, Pearl? Non. Et qui t'a dit que c'était mon héros? Il me casse les bonbons encore plus que toi, grande gueule. Et je te prierai de m'appeler autrement. Ouais. Tiger Joe qui décolle pour aller vivre un film d'une heure et demie vraiment jammé dans de la mélasse. DJ George? Oui, eh bien moi, je voudrais juste faire un petit hommage à Feu Benoît Marleau, celui qui a bercé mon enfance en doublant Fino et Dr. Book dans Le Petit Castor, le père de Minifée, Big Bird, Grand Galop, Wally Gator et plus récemment Mo et Ken Brockman dans Les Simpsons. Oh! Qui a également été utilisé dans une toune de The Natural qui a un peu rapport avec le sexe, c'est-à-dire ceci. C'est ça. Ça appelle rien que pour crier des bêtises, Carlis. Alors, les puristes auront reconnu la super réplique de Reggie Dunlop dans Slapshot, doublée par Benoît Marleau. Quelle sorte de plot, c'est ça? Donc, ça, c'est tiré du seul album de The Natural. Donc, communément appelé l'album de trop. Tu sais, des fois, il y a des chanteurs que tu te dis, tu sais, il aurait dû arrêter juste avant, tu sais, avant de devenir pas bon. Ben, lui, c'en est un. Il aurait pas dû faire ce dernier album-là. Donc, le reste de la toune n'a aucun intérêt. Je voulais juste entendre parler Benoît Marleau. Sinon, dans le ben genre... En fait, si tu me permets, là, oui? Il y a un moment donné, dans cette toune-là, il nous donne l'orthographe du mot « plot ». Et puis, il dit P-L-O-T-E, plot, Chris de plot, plot. Fait qu'avec un seul T. Fait que c'est ça, moi, je pensais que ça en prenait deux. Mais je l'aurais écrit avec deux T, moi aussi. Si le français est sa langue et dit natural et son nom... C'est lui qui doit le savoir. C'est lui qui le sait. C'est parce que t'oublies que Québec est sa ville. Ouais. Il y a ça. Ça baisse un peu sa crédibilité. Ouais. À peine. Je vais demander à ma mère, elle va savoir. Je la salue. Si vous avez une idée, appelez-nous. Oui, oui. Les profs de français, elle écoute. 987-3000, le poste 1610. C'est toujours bon de le rappeler. Appelez-nous, comment on a. On attend tout le temps. Ah, on a eu à chaque épisode. Non, il y a des gens qui appellent. Ah, c'est des gens qu'on s'organise avec eux à l'avance. On a même eu quelqu'un qui tombait dans les marches. C'est vrai, à live. On a déjà eu aussi quelqu'un qui n'était pas capable de faire marcher le projecteur. C'est quelqu'un qui voulait parler au directeur de la production aussi. Probablement pour se plaindre. On a déjà eu des faux numéros puis tout. Non, ah, ouais, écoute, on est une vraie station. Et voilà. On est les meilleurs. Ah, oui, mais on a encore tellement de t-shirts à faire tirer. C'est ça, on les garde toutes. Là-dessus, je vais enchaîner avec Gérard Nono Deslauriers, qui va nous chanter une super chanson qui s'appelle « Les Guidounes ». Donc, c'est sur l'air de « Doux Wadidou ». Boulevard Saint-Laurent, tu auras pour ton argent des guidounes, des guidounes, et pour les avoir, offre-leur d'abord à voir. Guidounes, parce qu'il faut d'abord leur offrir à voir. Ouais. On remarque que les prix sont un peu passés là. Le nom, il parlait d'Ami Saint-Laurent. Ah oui, ça. J'aime bien une phrase que j'aime, la phrase, ma phrase préférée en fait dans ce tune-là, c'est à 1 minute 18 de la fin. Je vais vous la placer tout de suite. Attends un peu, ça dure combien de temps, là? Non, mais je l'avance. Non, mais je veux dire, mettons qu'on a écouté une minute à date, et tu me dis à 1 minute 18 de la fin. Regarde, c'est beau. Hein? Avez-vous le goût d'aller boire à même les mamelles des guidons? Moi, c'est ça que j'aime le plus. C'était le petit nom d'amour que mon père me donnait quand j'étais jeune. Mamelle? Mamelle de guidon? Ouais. C'est beau. Ça explique Salut bien Mario. Des choses. Oui. Ça, je l'appelle même pas papa, je l'appelle Mario. Mais oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est louche, tout ça. Mario Valentino! Fait que sinon, on a Jerry Jolie qui a fait une autre chanson de sexe en rapport avec les grenouilles qui s'appelle « Une grenouille s'en va à peau ». Ça, c'est quoi? C'est parce qu'on est des frogs, on est des Québécois? Ouais, je sais pas pourquoi, ça revient souvent. Hein? Ça doit être ça. Souvent associé au sexe, en plus. Parce que ça saute. Oh, c'est ça, ah, c'est ça. C'est pas fou. Non, non, c'est des Québécois. C'est pour se faire pogner le gorlot. Oh. Ça a de la classe. Ça a même pas de fallu, je pense. Ça a un cloaque. Ouais, ben, c'est ça. Non, je sais pas comment ça se reproduit trop, les grenouilles. Hein, mais moi, j'ai peut-être une petite anecdote qui va être semi-pertinente là-dessus. Là. Sur les grenouilles qui se reproduisent. Ben, en fait, pourquoi le Québec, ici, on se fait appeler les Frogs? Ah, ouais, c'est parce que dans le début, là, quand ils sont arrivés, les premiers Français colons, là, ben, eux autres, ils n'ont pas remarqué, mais les premiers Anglais qui se sont battus contre les premiers Français, eux autres, ils ont remarqué qu'il y avait plein de grosses grenouilles partout. Parce qu'au Québec, on a les wawarons qui sont la meilleure sorte de grenouille pour faire des cuisses de grenouilles et tout. Et puis, ben c'est ça. Il y avait des grosses grenouilles. Ils ont associé grosses grenouilles, basse terre du Saint-Laurent, marais, francophone. Puis mal, voilà. Voilà. Ça, c'est né de même. Ça vient du temps colonial. Ah, ben c'est bon à savoir. Hey, hein? Ça fait changement du castor et des polices montées. C'est vrai. Qui sont plus canadiennes, dans le fond, que québécoises. Fait que la grenouille qui s'en va à Pau ici, elle, c'est de son histoire, c'est qu'elle cherche une partenaire puis elle n'en trouve pas. Mais étrangement, il y a une morale à cette chanson-là à la fin. Je vais essayer de vous jumper directement là, s'il te plaît. Il y a une morale. Morale un peu inattendue. La morale de cette triste histoire. Si vous sortez pour aller à Pau, fais donc pas ça à Gatineau. Ça sort de nulle part, on n'en parle pas dans le reste de la chanson. C'est sa morale. Il aurait été mieux d'aller sur Saint-Laurent. Oui, parce que pour 5$ et 10$, il aurait pu en avoir plein son casque. Donc, parlant de Gatineau, on a aussi Frac, qui est un gros chanteur barbu de la région de Gatineau, qui chante avec sa voix mélodieuse des propos nuancés et subtils. Comme par exemple ici dans sa chanson « Ma prochaine blonde ». Ma prochaine blonde, je veux qu'elle ait des gros tetons. Secondaire 5. C'est beau ça. Pas trop d'éducation. Ça se manipule mieux. Ah oui, c'est ça. Mais que j'y dise quelque chose, elle a besoin de m'écouter. Je veux une blonde qui va m'aimer et puis crawler. Voilà. Donc, Frac, il a fait aussi il a fait deux, trois albums, ce gars-là. En tout cas, au moins deux, que je suis sûr. Et puis, sa chanson préférée, ma chanson préférée de lui, c'est W. Georgette. Déjà, parce que le titre, c'est parce beau. Parce qu'il manque deux W. Il manque deux W. Puis un point quelque chose. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, de toute façon, parce que ça, c'est l'adresse d'une personne. Ça a l'air d'être comme son adresse e-mail. Donc, je dédie cette chanson-là à tous les gars qui croient sur MIRC puis qui découvrent que la fille de 24 ans, finalement, en a juste 14. Il y a une morale importante à dire. Qu'on a tout déjà fait. C'est apparemment. Regardez bien ça. Oups, c'est même pas celle-là. Ça ressemble un peu. On reconnaît la chanson country joyeuse. Ben oui. Sur Internet, m'a dire comme la guerre. I won't forget. I won't forget. Point Georgette, à vous d'être tout le temps chatty. J'ai fait une date avec la sortie pour souper. C'est bon, quand à date. Quand je l'ai aperçu, j'ai bien ça. Ça m'a pogné à gorge. C'était pas Georgette, Chris. C'était Georgette. Vous attendiez pas à ça, hein? Jamais. Regardez bien ici, à 2 minutes 30 de la fin, quelle poésie. Regardez bien ça. C'est mon chum qui m'a guidé sur le email. Il m'a jamais dit que ça pourrait être un Gmail. Ça, celle-là, par exemple, je l'avais pas vu. Email, Gmail. Anyway, I won't forget. I won't forget. Alors voilà, ça conclut le sexe gras sale québécois. Attends un peu, il n'y a même pas de Trunk 25 à date. Non, ben là, je peux pas tout mettre non plus, là, parce qu'il faut un peu changer de style. Ben c'est ça, ça c'est du rap. Il y a du, du sexe plus propre associé à l'amour, parce que oui, mesdames, messieurs, quand des gens s'aiment très très fort, ils se reproduisent. Des fois, les cigognes. C'est ça, les choux rouges et tout ça. Donc, par exemple, on a Châtelaine, vous vous rappellerez sans doute d'elle, qui chantait « Corps à corps avec toi le jour, ouais. Corps avec toi toujours ». Bon, déjà, ça s'en est une. Mais il y en a d'autres chansons qu'elle a faites un peu dans le même genre, qui n'ont jamais pogné autant, comme par exemple celle-ci « Puisqu'on fait l'amour ensemble ». Pendant qu'on écoute celle-là, est-ce qu'on pourrait avoir quelques nouvelles de Bruno, tu penses? Ça serait, oui, ça serait très bien, parce que cette chanson-là est plate, puis j'ai rien à en dire. D'accord. Tu vois, ça donne bien. C'est incroyable. Bon, on va se laisser bercer un petit peu. D'accord. Quand je vois un peu moins les chose. C'est une drôle de phrase. Ne reste pas là sans rien dire. Dis quelque chose. Dis quelque chose, Bruno. Alors, la princesse Maha Al-Sudairi, l'une des membres les plus importantes de la famille royale d'Arabie Saoudite, utilise son immunité diplomatique afin de ne pas avoir à payer pour son magasinage. Après avoir dépensé pour environ 15 millions de livres, incluant 60 000 en lingerie, elle a ignoré ses créanciers en s'enfermant dans sa... Des livres anglaises? Oui, des livres anglaises. C'est le double du nombre de pièces. Hein? À peu près, oui. Elle a ignoré ses créanciers en s'enfermant dans sa suite à 2500 livres la nuit dans l'hôtel Georges V de Paris. Un porte-parole de la famille royale a été approché pour régler la dispute et a affirmé « Je crains que nous ne puissions faire le tour de la ville et régler les factures de sous-vêtements de la princesse. » La princesse Maha, qui est la femme du prince Naïef, ministre de l'Intérieur et deuxième en ligne pour le trône d'Arabie Saoudite, a dépensé plusieurs millions dans la capitale française au cours de la dernière année. Sa facture hebdomadaire de nettoyage à sec seulement s'élève à 30 000 livres. Après qu'un juge... À chaque semaine. Attends un peu, là. 60 000 livres. C'est, ça, c'est 130 000 piastres. C'est 30 000 livres, en fait. Fait que 65 000 piastres. Ouais, à peu près. Ben là, écoute, là, hein? Elle fait laver tout son linge à chaque semaine. C'est mais pire finalement, que l'espace de parking à 300 000. C'est vrai. Finalement, il y a un juge qui a, ordonné à ses huissiers de confisquer ses sous-vêtements et la princesse a plié. Et elle a payé ses factures. Elle a plié ses sous-vêtements. C'est fou quand même. Ben, c'est une princesse. Hop, ça. Ouais. On est encore tout le temps dans la même auditune plate de Shotland. Ben, c'est vraiment douloureux ce qu'il vient de nous raconter là. Ah oui, d'accord, on va y aller avec quelque chose d'un peu moins rough. Là. Un homme de Taïwan qui a reçu une sentence de 5 mois de prison pour avoir enlevé la perruque d'un politicien. Chun Yi, un législateur taïwanais reconnu pour ses offenses contre l'opposition politique, portait une perruque car il croyait qu'elle le rendait plus beau. Le juge a affirmé que de retirer la perruque était un geste intentionnel tentant d'enlever le droit d'être beau. Et donc, pour avoir tenté de retirer le droit d'être beau, il a été condamné, reçu une sentence de 5 mois de prison. Ouais. Eh boy, il y a des affaires qui vont là-dedans. Uh-huh. Imagine, là, ça veut dire qu'un coiffeur qui manque sa job, Tu peux le faire en prison. Tu peux présumer de ses intentions. Si t'es un législateur important à Taïwan, ouais. Peut-être. Ça dépend, il faut que tu prouves qu'il savait ce qu'il s'en allait faire et qu'il avait une intention. Sinon, c'est un accident. C'est vrai. Ah. Ça, c'est plus tough à prouver pour le coiffeur. Et voilà, c'est notre expert juridique ici. Ça me fait plaisir. Hey, on va aller se lancer dans une petite blague ici. C'est l'excellent Wally Spark, joué par le sublimissime Rodney Dangerfield. J'ai deux petits bouts, deux petits clips audio. Puis après ça, bon, on va aller saucer encore dans des bouts de... comment ça s'appelle? Là? Chose, là? Les Chabotés. C'est ça, avec des moustaches puis les deux Donald. Voilà, Wally Spark. Et fou, on est d'ailleurs l'ambassadeur. Ah, vous êtes du Canada, hein? Au drôle de place, le Canada. Ils ont essayé de créer un pays, puis il n'y a personne qui s'est montré. C'est une blague, rien de plus. Je suis Wally Spark, vous avez peut-être vu mon émission de télévision. Eh bien, nous regardons très peu la télévision. Oh, ça, c'est dommage. Pareil que vous faites toujours ça par en arrière, le sexe au Canada. Comme ça, les deux peuvent regarder le hockey en même temps. C'est jamais entendu. Vous serez encore plus sympathique. Je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi ? Chambre en l'air. Garçon, fille. Le genre mélange ? Ça vous tente ? C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement de choix. Parce que moi, je vous tiens au bout de mon arme. On va voir ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Moi, je veux vous voir baiser ma femme. Un par devant, un par derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. Bah et moi alors? Je tricote? Et voilà, c'était un extrait d'un film avec Gérard Depardieu. Ça veut donc dire que le film était bon. Nécessairement. Ben oui, c'est ça. On retourne dans les Chabotés. J'ai mis ça à 1h12. Je suis sûr, on va voir ce que ça donne. No. C'est toi qui as eu l'idée. Bon, ben, c'est pas bien compliqué, Louise. On a pris la décision d'essayer de faire quelque chose pour maman. Oh, ben, ça, c'est une bonne idée. Elle mérite bien. Qu'est-ce que je disais? A compris tout de suite? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le guérir. Comme maman t'a toujours montré beaucoup d'affection, Oh non, je pourrais pas. Louise, t'as une grande marque d'affection de notre part. Fais ça pour moi, pour maman. On va tous t'aider, Louise. Maman, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le nom d'un de leurs amis qui est comme atteint d'une maladie qu'on a appris dans Boys Beware, que si t'abandonnes d'essayer de la guérir, ben... Tu vas mourir. C'est ça, tu vas mourir avec, mettons. C'est contagieux aussi. Très, très contagieux. Pour les jeunes garçons, ça s'attrape vite. Là, il se brosse les dents. Je trouve que c'est un petit peu quintessentiel. Je vais rebaisser ça en vous rappelant que jeudi, le 18 prochain, c'est les 1 an de douteux.org au café de l'usine C. On a confirmé Brun Citron. Malheureusement, le combat de boxe de kangourou a dû être cancellé parce que les kangourous ont été pris aux douanes. On va avoir quelqu'un qui va nous faire un Rubik's Cube live. Je pense qu'il y a plein d'affaires qui valent la peine de venir. Sinon, ben, venez pas, vous ne saurez pas. C'est ça, vous ne saurez jamais ce que vous manquez. Voilà. Ouais. Puis vous êtes poche en plus. C'est pas mal à 8 heures. Puis là, ben, ouais, pas mal. Mm. Puis là, il vient de finir de brosser ses dents. D'accord, Nan. Aïe, aïe, aïe. C'est mon fétiche préféré. Ça porte chance. C'est ça. Fait que là, maman. Maman, il va, là. Faut le guérir. Faut ça. Le guérir avec une belle fille. Ouais, c'est ça. Au moins, on a appris que le temps de se brosser les dents, c'est le temps d'une plug de comme tellement d'autres choses. C'est ça le truc, en au fait. Au moins. Quand tu te brosses les dents, tu penses à une plug de douteux.org. Si tout le monde pensait à une plug de douteux.org pendant qu'il se brosse les dents, on aurait pas mal plus de monde à nos événements. Il y aurait les dents propres. Il y aurait les dents avec fraîche haleine. Tout le monde aurait les dents propres. Ah, c'est super. C'est plus fragile qu'on pense à un homme de ce côté-là. Oh, concentrez un peu! Cet âge-là, c'est plus difficile. Louis, c'est pas si bien que ça. Bon, OK, là on se doute que le gars... Hey, Colin, j'ai envie d'aller mettre une toune de Raël juste pour qu'on switch. N'importe quoi. Ouais, effectivement. Maman, pense à ça. Ah ouais! Du coup, j'étais déçu de pas aller voir ce film-là ce soir, mais finalement, ça va mieux. Moi, personnellement, en fait, Les Chabotés, je l'ai archivé il y a environ 3 ans. Je l'ai écouté pour le... 2 ans, je me rappelle pas trop. Je l'ai écouté pour la seule fois de ma vie. J'étais tout seul. Souvent, écouter du douteux en solitaire, ça prend quand même une formation spéciale. J'ai moins apprécié l'expérience du fait que j'étais seul. Et j'ai moins apprécié l'expérience du fait que c'est beaucoup de cabotinage. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas beaucoup de tête. On voit plus des poitrines. T'sais. Puis, un moment donné... Je sais pas, ça prend une espèce de lien directeur autre que des moustaches qui vivent leur vie d'adolescent attardé avec des babes d'un bout à l'autre sans jamais justifier comment qu'ils font pour avoir de l'argent et le temps pour tout faire ces affaires-là. Ça reste quand même que c'est Simon Chénier qui me l'a conseillé chaudement, c'est un de ses préférés. Et puis ben c'est Simon Predge qui a choisi aujourd'hui, cette semaine, les deux films qui est en compétition. Donc deux des personnes qui sont très importantes au mouvement considèrent Les Chabotés, comme étant un film conséquent pour notre mouvement. Et puis comme c'est un film québécois de 71, j'en connais pas beaucoup d'autres qui peuvent prétendre à ça de cette époque-là. C'est pour ça qu'on va se laisser aller dans l'expérience. Il faut ce qu'il faut, hein? Ah, mais là, écoute, il faut écouter tout. C'est un petit peu ça le message. Exactement. Ouais. Et puis là, sur l'absence totale d'intérêt d'à peu près tout le monde ici, je vais écrire... Non, ça va être Ludwig von 88, tiens. Louison Bobet Forever. Parce que Louison Bobet, il est cool. C'est qui Louison Bobet? Un cycliste français. Oh, ils ont fait une toune sur le cycliste français. Oui, qui est très bonne d'ailleurs. Qu'on va écouter drette là. Yeah. Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Louison, Lou Vas-y, Louison. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Putain, Raymond, regarde là-bas. Eh ben, je le reconnais, c'est, mais c'est Louison, pas belle. Vas-y, Louison. Louison, pas belle. Louison, pas belle. Louison, pas belle. La bicyclette est montée. Roule, roule sur les pavés. Vas-y, Louison! Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is? I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as, and I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S. Or should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future for our children. Thank you very much, South Carolina. Salut, ici Maxime Georges et vous écoutez 70% avec vos oreilles sur choc.fm. Standard efficace, straight to the point. Parfait. Jessica? On va switcher à moi avec la trame sonore porno que j'aime toujours. En parlant de porno, justement, j'aimerais saluer le fils d'Étienne, Anthony, qui est malade ces temps-ci de manière porcine. Alors, non, j'exagère un peu, mais Anthony, établis-toi, s'il vous plaît. Et tantôt, on a parlé d'MIRC, mais je voudrais dire qu'à 12 ans, j'étais vraiment addict à MIRC et je me faisais passer pour une femme de 25 ans. Je chattais avec un gars qui s'appelait Sylvain, qui venait de Québec. Et à un moment donné, finalement, il m'avait dit « Écoute, faut qu'on s'appelle, je veux te rencontrer, tout ça. » Non, je peux pas. » Fait que finalement, on s'est juste appelé, on s'est pas vu. Puis, il trouvait que j'avais une voix un peu juvénile et j'ai mis ça sur le dos d'une grippe que j'avais faussement à l'époque. Bien sûr. Une grippe, ça rend la voix plus jeune, t'sais. Sinon, mon salut du jour va directement à Gisèle Quignou, qui est une des animatrices avec qui je travaille la fin de semaine à Météo Média, qui s'est intéressée en fin de semaine à mon macaron marqué Fontaine de jambon et qui m'a écouté pendant au moins 5 minutes en parler passionnément. J'ai vraiment expliqué qu'on avait une journée où on mettait de l'avant le jambon. Tommy portait parfois des colliers de petits morceaux de jambon et que, bon, la fontaine, c'était important, que c'était pas contre les femmes, que je me traitais pas de fontaine de jambon moi même, que je n'étais pas qu'une pièce de viande, mais qu'il y avait toute une signification derrière ce si petit macaron. Sinon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Helen Hunt et de Courteney Cox. Et aussi aujourd'hui, en 1869, en fait, le 15 juin 1869, il y avait l'invention du premier plastique, le celluloïde. Oh oui! Je sais pourquoi que ça a été inventé, moi. Vas-y donc. Parce que dans le temps, là, les rhinocéros et les éléphants en Afrique, ils étaient chassés pour faire des boules de poule. Puis c'était l'ivoire de leur corne, tout ça. Puis là, il y a un journal scientifique en Angleterre qui a lancé un concours parce que là, il était pour toutes les épuiser parce que le poule était à mode. Mmh. Fait qu'ils ont dit, essayez de nous trouver un autre matériel pour faire des boules de poule. Et puis le premier plastique... Le celluloïde. ...a été utilisé pour faire des boules de poule. Ah, ben, coudonc. Et aussi, le 15 juin 1974, c'était la sortie du film culte Massacre à la tronçonneuse. Mmh. Et en 90, c'était la sortie en salle du film Dick Tracy. Donc aujourd'hui, c'est quand même une grande journée. Ben oui. Dick Tracy, c'était bon, ça. Avec Warren Beatty, Madonna et Al Pacino. Oui. Nouvelle de showbiz. Marie-Chantal Toupin. Oui. Elle n'arrête pas de se réinventer. À compter du 24 août, elle sera à la barre d'un nouveau talk show co-animé avec Mike Gauthier, le pauvre. L'émission sera diffusée du lundi au jeudi à 19h sur les ondes de Musimax. Lundi au jeudi. Et ce que Marie-Chantal déclarait, « Un beau défi m'attend et c'est un honneur qu'on m'ait proposé cette aventure. Je suis d'autant plus heureuse de pouvoir animer cette émission culturelle avec mon ami Mike Gauthier, la référence musicale au Québec, et de faire partie de la belle gang de Musimax. J'ai très hâte à l'automne. » Ah ben, oh, maudit bordel. Boy, yeah. Je suis sûr que j'aurais pu écrire sa réponse avant que tu me la dises. J'ai vu, je t'ai vu faire le signe de... Ouais. Oh ouais, c'est ça. Bandé dans la tête, je me branle. En tout cas. Ça va être un beau talk show qui va être une source d'informations culturelles et qui va être porté vers la scène musicale d'ici d'ailleurs. Fait que Musique Plus va toujours dans la bonne voie et Musimax la suit aussi. Avec Marie-Chandaille tout plein. Belle papeterie, ça. Non, je pense que toujours vous le saviez, là, mais moi, je savais que la Garde des clans allait revenir sur les ondes de TQS, mais je ne savais pas que c'était... Ben oui, c'est Jean-François Barry qui va animer ça. Apparemment, il faut être petit pour animer ça. Ben voilà, t'as dit mon punch, parfait. Mais non, on se complète tellement. Cette émission-là va être diffusée à compter du mois de septembre, donc... Je sais pas si va devenir gros après, lui aussi. Voilà, peut-être qu'il sera plus capable de faire la split, puis que sa blonde va faire des annonces pour les petits-enfants d'outre-mer qui n'ont pas trop d'argent. Qui sont moins gros que son chum. Oui, les familles, j'ai invitation à tout le monde, si vous voulez vous inscrire, tqs.ca. Oui, on va y aller, nous autres. On peut-tu, si on n'est pas une famille? S'inscrire pour quoi? Pour la garde des clans. Douteux.org, on pourrait y aller. On est une famille. Moi, j'aimerais ça y aller avec la famille. Bon, c'est un concept large, là. Certain. Des fois, c'est souvent des gangs de bureaux. On va laisser notre imagination. Sinon, je vous montre cette image assez magnifique de Suzy Villeneuve qui fait la couverture du summum. Moi, je la trouve vraiment pas sexy, mais je veux dire, je respecte tout ça. C'est marqué Suzy Villeneuve, rockeuse, rebelle et sexy. Fait que probablement qu'elle va vendre un peu plus de disques. Elle est au moins deux de ses affaires, là, selon toi. C'est ça. Rockeuse et rebelle. Ouais. Ben parce qu'elle n'est pas sexy. Vraiment pas comme sa sœur. Sinon, Denis Lévesque sort avec Pascal Wilhelmy. Moi, je suis très heureuse de vous apprendre ça. Denis Lévesque? Denis Lévesque, de TVA. Qui a raison. Oui, qui sait de quoi Pascal Wilhelmy, là, était comme le ciel qui faisait des petites chroniques dans une des saisons de Star Academy. Oui, c'est une fille aux cheveux courts, mais c'est une fille. Les filles aux cheveux courts, c'est quand même des filles. Puis ça fait... Moi, je pensais que Bianca Gervais est encore avec Étienne Drapeau. Je pensais ça, mais non. Elle est rendue avec Sébastien Diaz. Vous vous souvenez du merveilleux livre dont je vous ai parlé, Les endroits kits de Montréal, où elle est. Sébastien Diaz, qui est un peu partout sur l'île de Montréal. Ça fait 3 semaines qu'ils sont ensemble et ils font le front du 7 jours. C'est fou. Puis moi, je vais vous revenir tantôt, mais juste pour vous lire des trucs du Bel Âge de 1999. Ah oui, ça, c'est beau, c'est ça. Mais je vous laisse m'assérer avec toutes les choses qui se passent dans le showbiz. Ça en passe-tu des affaires? Il s'en passe beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup, Jessica, de nous garder au fait des derniers agissements de tous ceux qu'on adore et qui sont à l'autre bout de la chaîne de production d'information. Ils sont tellement comme nous autres. Hey, hein? Moi, c'est la deuxième partie de Bruno. Tu sais, lui, il est comme ailleurs dans le monde et moi, je suis... Toi, tu le ramènes ici. Ouais. À l'essentiel. T'es là pour me ramener à l'essentiel. On est tellement complémentaires. Allez sur MIRC, les enfants de 12 ans. Oui, allez-y. Allez voir c'est quoi la vie. D'ailleurs, c'est comment il s'appelait, Sylvain? Sylvain qui est à l'écoute. Là, il doit avoir Sylvain quoi, qui aurait 47 ans aujourd'hui. Oui, à peu près 47 ans. Fait que, dépasse mon top de fréquentation. Je m'étais limite 40 ans. On dit ça. Mais là, tu sais, il y a une histoire entre les deux, là, c'est différent. Ouais, c'est ça. Ça saute les critères habituels. Là. Sylvain de Québec. Fait qu'en tout cas, Sylvain, 9873000, poste 16-10. Poste 16. Hey, imagine le hasard, toi. Ah, ça serait tellement incroyable. Bon, je pense qu'on va mettre une tonne ici pour tuer. En attendant que Sylvain appelle. Sinon, ça va être vide un peu. Aimes-tu la vie comme moi? C'est beau le noir. Mais oui. C'est triste. Ouais, c'est comme. C'est noir. On a envie de faire des blagues, mais on. Tout sous. Tu penses? Penses-tu? Même pour toi? Je sais pas. Le message, il reste vrai pareil. Ouais. Même s'il peut plus la chanter. J'aime la musique et les chansons magiques. la piscine à ce moment-là? Non, j'ai des jardiniers qui font ça. Non, la piscine, je parle de l'émission de Garden Party. De non, je ne suis pas une servante à quatre saisons, je suis la reine de quatre saisons. C'est la... J'étais. La reine est morte, vive la reine! Papa! Papa! Ah! En background ici, on a... En fait, c'est le trailer, les previews de Ninja Condor 13. Quelqu'un m'en a trouvé une version en français. Ça dure un petit 4 minutes. On l'écoutera peut-être pas au complet, mais pour l'instant, rappelons-nous la saveur Ninja avant de retourner dans le bel âge de 1999. Tu vois ces hommes là-bas? Ils ont tué ton père. Je vous conseille à tous de suivre l'exemple d'Aigle Blanc, mes amis. Oui, sir. Ne vous réjouissez pas trop vite. Nous avons encore un ennemi à vaincre. Tidiane. De la mafia. Il mourra, vous devez me l'éliminer. Allô? Allô, les épées? Je recherche Roland Bellan, que j'ai connu à Matane en 1953. Il demeurait à Sherbrooke. Il travaillait à cette île sur la côte nord. Roland, si tu es libre, appelle-moi au 418-562-6932 Valley. Je tue les coupables, mais jamais les innocents. Retraité, 54 ans, 4 pieds 11 pouces, rondelette, ferme car sportive, jolie, très honnête, cherche homme bon, franc, honnête, généreux, libre, tendre, qui n'a pas peur de s'engager dans relations stables. Tu avais toute ma confiance. À cause de moi, ma fiancée est morte. Et avant que je ne sois tué à mon tour, je dois réparer les erreurs que j'ai faites. Pour ma fiancée, pour le mec qui m'a appris la vraie pensée d'un ninja. Un assassin. Ah, possible. Qualité de Québec, joli, yeux bleus, verts, cheveux bruns, teint clair, 5 pieds 6 pouces, 55 ans, allure jeune, poids santé, distinguée, chaleureuse, douce, féminine, avec bon sens des valeurs, aime nature, musique variée, plaisir de l'esprit et autres, recherche un homme de parole, fiable, entier, scolarisé, sans problème, désireux de s'investir dans une relation amoureuse exclusive. Mais cette fois, vous le tuerez, vous m'avez compris? Madame Dubarry cherche son Louis XV, version 98. Âgé de 55 ans et plus, il est propre et élégant, et il doit aimer la nature autant que la place des arts. Madame est veuve, 5 pieds 5 pouces et demi, poids proportionnel, cheveux longs roux, yeux pairs. Elle aime la musique, l'opéra, la bouffe, le Scrabble, etc. Écrire à boîte postale 301. Voulez-vous jaser avec moi ce soir de votre philosophie de vie, de votre quotidien, de vos préoccupations, de vos expériences? Écrivez-moi. Grand-mère romantique, mi-soixantaine, recherche correspondant pour combler solitude. Casier postal 41072, Centre Duvernay-Laval, H7E5H1. Ils sont pas gênés, hein? Ils donnent toute l'info là-dessus, eux autres. En fait, c'était des... c'est quoi? C'est des le bel âge. C'est l'annonce du bel âge, de septembre 98, ouais. Dans mon cas. Ah oui, c'est tout le même. Tout le même? Non, parce qu'il y en avait de 99. Décembre 99. Ah, moi, j'avais septembre 98 aussi. Ah, bon, ben, tu vois, j'ai peut-être eu plusieurs magazines et arraché les pages de petites annonces de rencontres. Du fait que je me doutais bien que ça me tentait pas d'aller tout seul toute la gang. DJ Georges, encore ton petit bloc? Oui, j'en ai une bonne ici, là. Puis Tommy, j'ai pensé à toi tout de suite quand j'ai entendu celle-là. J'aimerais ça qu'on l'écoute en bonne partie. Micro ouvert pour pouvoir commenter. C'est Nanette Corey qui chante Viens dans ma bouche. Alors, je vous justement, démarre ça. Justement, on en parlait tantôt. Ah oui, on n'en parlera jamais assez. Alors, ça, c'est très langoureux, cette chanson-là. Et elle parle de fellation tout au long en termes bien peu déguisés, mais toutefois imagés. Regardez si ça nous met dans l'ambiance. J'ai déjà la bouche ouverte, en tout cas. Oui, c'est clair. Chérie, ferme les yeux, laisse ma main un peu folâtre sur cette partie que j'idolâtre. Carrément. Je la vois s'épanouir entre mes doigts, j'approche mes lèvres et la reçois, je reste bouche bée. C'est impressionnant. Longtemps pensé de quelle manière j'allais t'aimer. Parce qu'elle avait tout planifié ça depuis hier. Et je crois que tu vas adorer. Je suis à la fois ta maîtresse. On voit qu'elle a beaucoup de joie d'assain si on va faire ça. Oui. Je te sens bien. Je me sens bien. Ah, bon, tu la sens bien. Je te sens bien. Sens bien. Je me sens. Fait que Tommy, je te dédie le prochain couplet. Passe ta main dans mes cheveux et puis force ma bouche grande ouverte. C'est bien cela que tu veux. Mais oui, c'est ça, tu me fourres dans ta tête. C'est presque exactement ça qu'elle disait pour vrai. Je te gouais ça, je dors. Et puis force ma bouche grande ouverte. C'est bien cela que tu veux me pénétrer dans la tête. Fait que c'est le plus proche de fourré dans la tête que j'ai trouvé dans ma discothèque. Donc, voilà. Mais j'aime mieux ton plus dans ma bouche. Et maintenant que je suis femme, remplis-moi. Remplis-moi jusqu'à là. Ah, c'est-tu pas beau, ça? J'aime ton goût. Maintenant qu'elle est femme, elle veut se faire remplir. Parce qu'une femme, c'est vide au départ. J'ai pas remarqué que j'avais toujours la bouche ouverte en attente. En attente de me faire remplir. Jusqu'à l'âme. Me délecter et avaler toute la fumée. Je vais te faire pénaler. Je vais te mordiller comme un sucre d'orge. Je te veux au fond de ma gorge. Je veux te Ben là, on sait comment ça marche. Hein. C'est même plus des images. Là. Peux-tu arrêter de chanter, s'il te plaît? Agis. Aime-moi. Viens dans ma bouche. Il reste encore 1:05. Ah! On a dit qu'on l'écoutait au complet. On a dit ça. Pauvre gars. Moi, j'ai jamais dit ça. Ça, tu peux arrêter de l'écouter, toi. Désolé. Va bien dans mouche, hein, aussi avec bien dans ma bouche. Oh, contre-pétrie instantanée. Et voilà. Incroyable. Peut-être un peu plus silencieuse vers la fin. On sent qu'elle s'exécute probablement finalement. Elle a toujours la bouche ouverte, là, on l'entend. Elle se fait remplir progressivement jusqu'à l'âme. Elle est rendue jusqu'aux amygdales, petit à petit, ça s'enfonce. Que l'âme est à mi-chemin de l'ésophage, hein, gars. C'est du moins ce que j'ai appris dans mes cours et de tous religion. Les philosophes sont d'accord pour dire que le meilleur chemin vers l'âme se trouve dans la tête. Et voilà, mesdames et messieurs, on est passé au travers. Hey, hein? Je sais pas. C'est du grand art, ça? Vas-y, chaud-y un autre, man. OK, ben regarde, on va rester un peu dans le même thème, mais on change de continent. Je m'en vais en France voir France Gall, qui a interprété en 1966 « Les Sucettes ». Et puis, ce qu'il y a de bien avec cette chanson-là, c'est qu'elle avait 18 ans quand elle a chanté ça. Ça avait été écrit par Gainsbourg. Elle, elle l'a chanté et il y a un double sens, pourtant bien évident, qui lui avait échappé. Elle s'est pas rendue compte, elle prenait ça au premier niveau, donc ça s'appelle « Les Sucettes ». Ouais, c'est pas un lollipop, là. C'est ça, tu sais. On peut dire anis aussi. Qu'elle avait pas vu un double sens là-dedans. Là. Ouais, j'avoue. Ouais. Elle était vierge. Ouais. Puis il y avait une vidéo en plus avec ça, puis on la voyait chanter ça langoureusement, puis il y avait plein de madames qui suçaient des sucettes, mais c'était pas des suçons ronds comme on donne à l'Halloween aux enfants, c'était toutes des suçons en long. Il suçait ça langoureusement. Puis elle, elle n'a rien remarqué. Puis après ça, évidemment, il y a eu plein de gens qui ont été offusqués. Puis elle, quand elle a compris après coup qu'est-ce qu'elle venait de faire là, elle s'est cachée du public pendant un bout de temps pour ne pas leur faire face. Puis aujourd'hui, ben là, elle finit par accepter. Mais j'espère! Ben, ouais. Ouais! Good for you, girl! Ouais. Mais maintenant, elle ne chante plus. Elle dit que c'est plus de son âge. Donc, l'âge pour chanter des affaires de même, c'est quand t'es trop jeune pour comprendre quand tu chantes. Ça, depuis qu'elle comprend, elle est mieux plus. C'est plus intéressant. Ah, ben, tout le monde a le droit de faire ses erreurs. Hein. Ah oui, tout à fait. Et voilà. Et puis, ben, c'est beau d'être capable de reconnaître qu'on a fait une erreur. Mais hein. Comme chanter les sucettes de Serge Gainsbourg sans, sans réaliser quoi que ce soit. Peut-être déjà, quand ça vient de Serge Gainsbourg, tu sais, peu importe. C'est ça, peut-être qu'il pensait pas des petits suçons à cerise. Je sais pas qu'est-ce qu'il pensait. Hey, c'est de toute beauté, ça. Ouais. Moi, je fais une petite transition, mon gars. Ah oui, donc? Tu vas voir, c'est vers une séquence d'un film spécial. C'est quoi, ça? For ailleurs. Les noms ne veulent rien dire. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes et vous avez besoin d'aide. Je sais pas ce que ça veut dire. Les noms ne veulent rien dire. Rien dire. Vous êtes qui vous êtes et vous avez besoin d'aide. C'est ça, je sais vraiment pas c'est quoi ça veut dire. Ça me fait plaisir ici. Ah ben là, il est 8:22. Parler un petit peu des dernières affaires, là. Parlons des vraies affaires, je pense. Les vraies affaires. Parler des vraies affaires, je pense. Les vraies affaires, je pense que la presse, la semaine passée, a écrit à un moment donné un journal avec en page couverture le mot « pandémie » avec des grosses lettres jaunes sur un fond noir. Ouais. Et puis la première phrase de l'article qui venait avec la première page, qui était, ma foi, je pense que ça peut difficilement être plus alarmant, c'était « Mais au Québec, on n'a rien à craindre. » Ouais, genre comme... voilà. Pandémie, mais capote pas. C'est ça. Ça, tout va bien. Moi, j'aimerais remercier les gens qui font de l'autre côté de l'information pertinente pour rendre le monde meilleur. J'aimerais remercier tous ceux qui font leur possible pour s'assurer que le système médiatique, qui est ce sur quoi repose la démocratie et le droit de parole, est quelque chose de pur et quelque chose qui tend à s'améliorer. Et puis, ben, j'aimerais remercier tous les êtres humains qui sont de bonne volonté au travers. Car le royaume des cieux est à eux. Et voilà, ben, le royaume des cieux. Ben, de rien, Tommy, de rien. Bon, ben voilà. On se retrouve souvent les lundis soirs au brouhaha pour écouter ça. Sinon, ben, on va se retrouver jeudi prochain, on le rappelle. Au café de l'usine C. Qui vient là, là. Eh oui, il y a l'épéniste qui est attiré, là. Oui, ouais, c'est vrai, ça. On a fait une épée en, des ateliers Némésis, notre nouveau commanditaire. On est vraiment rendu ferré, hein. Puis il va avoir même. Tu sais, moi, je connais un gars qui travaille dans un Valentine. Puis il m'a donné les grosses affiches que tout le monde veut, qui est écrit dessus. Love Story 6, la revanche. Les participants de Love Story préfèrent la poutine de Valentine. Je veux rien enlever à la poutine de Valentine. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est une très bonne poutine. C'est vrai. Ce que je veux enlever, c'est à la pertinence d'associer une gang d'adolescents libidineux. Attardés. Et ouais, c'est ça, c'est quoi, ils ont pas comme appris leur leçon en prenant Paul Buisson comme mascotte pour qu'il meure l'année d'après. Ben à la limite, je pense qu'ils ont même pas été consultés, là. Ils sont même pas au ils peuvent pas le savoir, sont... de leur image. Ils sont non, dans le loft, puis ils ne savent même pas ce qui se passe. À partir du moment qu'ils sont dans le loft, que ça devient leur poutine préférée, ils mais ils peuvent pas en manger parce qu'ils sont dans le loft. Ils ont tellement hâte de sortir. Des paroles pleines de sagesse. Ouais. Vive le cynisme culturel. On va essayer de continuer à mettre ça en mots et d'être concis de l'information qu'on nous envoie. Tout en n'étant pas trop pédant, là, comme je viens de faire. On va essayer de faire notre c'est ça. Hey, en plus, jeudi, là, ça va être la première fois de ma vie et de la vôtre que je vais faire une chronique live devant public. Fait que manquez pas ça. Et voilà, ça va être big. À partir de 19h, on ouvre les portes, café de l'UZNC. Puis si les portes sont pas ouvertes, vous arrivez avant, ben cognez. Là, on va l'ouvrir. C'est ça, faites un line-up. Faites on va un créer un line-up pour faire un événement. Hey, Maxime Georges, est-ce que tu as des affaires que tu veux nous annoncer? As-tu des shows qui s'en viennent? As-tu des affaires qu'il faut pas manquer? Non, pas grand-chose. Tranquille, cet été, on pratique, on fait des nouvelles tunes, puis on n'a pas de shows qui s'en viennent vraiment, totalement, réellement, non. Bientôt. Il y a une note des adverbes en sacrement. Je suis quand même bon là-dedans aussi. J'ai étudié, mais j'ai lâché finalement pour me diriger vers la contrepétrie. T'as un majeur en contrepétrie, puis une mineure en adverbe. C'est ça, exactement. Fait que là, on est rendu au moment où tu vas dire salut à une personne en particulier. Je fais ça, moi? Ah oh, ouais. Ouais, ouais. Tu peux prendre quelqu'un qui est dans la salle si t'as pas d'autres amis. C'est ça. OK. Ben non, je peux dire salut à la cousine de Bruno. Ah, ben, OK, c'est parfait. C'est quoi, Alex? C'est qui se passe? En tout cas, si comment ça, ma cousine? What the fuck? Hey, c'est le mot de la fin, tout le monde, là. Vous dites merci ou... Dans tête. C'est parfait, ça. Moi, j'ai rien à rajouter. Ouais. Choc FM, alternative urbaine. En direct du plancher. Ouais, on est couché à terre. La meilleure émission de variété de tous les temps. Il y a plein de gommes en dessous de la table. Ouais, c'est vrai, c'est ça n'a vraiment pas pris de temps. On est dans les nouveaux locaux, puis j'en compte une dizaine facile là, en plus. C'est la même table, peut-être qu'ils l'ont amené avec les gommes Ah, ils l'ont même pas nettoyé. Ils ont même pas vu ça, eux autres, quand ils l'ont déménagé. Vous avez vu, à 70%, on mène les enquêtes que personne d'autre a envie de vivre. On parle des vraies affaires. Voilà, merci beaucoup. C'était Tommy Godette, Étienne Forêt, Maxime Georges, Jessica Le Sage et puis Brugros Corbin. On s'en va, bien sûr, vivre des aventures au brouhaha. Si vous venez pas, c'est parce que vous êtes ailleurs qu'à Montréal ou impotent. Ou être en train de vous faire fourrer dans la tête. Non, on vous le souhaite. Jusqu'à l'âme. Jusqu'à l'âme. Remplis-moi. Qui est quelque part entre, bien sûr, la trachée et les amygdales. Juste là. Merci tout le monde. Salut. Bye. Bye. Ah, ne pas oublier, la semaine prochaine, Danny Daniel Gabriel en direct pour venir nous parler de son œuvre ainsi que de lui. Je veux que tu me fasses un enfant. T'as envie de faire l'amour? Même pas. Ben oui, mais Chris. C'est le bon pour l'amour aussi, mais je veux un enfant de toi dans mon ventre. Où est-ce que tu t'en vas, Alex? Faut absolument que j'aille voir Rosaire. Rosaire, hein? Réveille! Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est Louise. Quelle heure il est? 2h30. Elle est malade. On dormait tranquille. On n'a même pas fait l'amour, ça ne me tentait pas. C'est peut-être à cause de ça? Elle veut que je fasse un enfant. Quand? Ben, tout de suite! T'as rien fait, j'espère. Exclusivité, t'entends sur Choc FM, Roy Enoch, t'entends pute négro. Pour tous ceux qui pensent que c'est pas vrai, vrais négros font vraies choses. Les billets sont entassés, t'entends, dans les réfrigérateurs, chez le Roy Enoch. Hein? Avec son gros pistolet. Pute négro. Rive Sud, t'entends Rive Sud? Rive Sud, le son meurtrier de les représentatifs de la Rive Sud, t'entends? Là, le sang ne retourne à rien. Elle a commencé ses contractions. Un accouchement naturel? Le plus émouvant. Wow! Slack un peu, maman. Il n'y a pas eu de contact. Contact! L'œuf n'a pas été fertilisé. Les contractions, c'est dans sa tête, là, madame. Ah! Une grossesse fantôme! Je sais ce que c'est, ça m'est arrivé. C'est un dérangement hormonal. Oui, t'as mal dans le ventre. Moi, la maternité, je sais ce que c'est. Vous pouvez rester là, bande de lâches. Dans l'acte d'amour, il n'y a pas seulement que la jouissance. Pour la reproduction, on compte sur toi, maman. Mais nous, on joue pas les grands seigneurs de l'amour, nous, hein? On sait bien qu'on est condamnés à la porte de derrière. Va donc faire ton petit docteur Spock ailleurs, maudit tapette à mouche. Hey, Alex. J'aime mieux avoir moins de cul. et plus de cœur, Alexandre Ducharme. Ça s'appelle souvent. Je pense que maman est fâchée. Si je pouvais, moi, je t'en ferais un enfant. C'est moi qui devrais pleurer. Je peux pas avoir d'enfant, puis je peux pas en faire. Je suis une drôle de maman. Ça va aller, va. Ça me donne les bleus des histoires comme ça, Rosaire. J'ai pas envie de me marier. Ça fait une dizaine d'années que je baise. Tu sais que j'en ai passé des minounes. L'aimes-tu? Tu veux le savoir? Tu sais qu'avant de baiser, on ferait n'importe quoi. T'as plus de matière grise dans le cerveau. Mais Chris, après, ça revient. Au bout de 15 jours, la minoune qui est dans le lit, elle ressemble pas mal à toutes les autres. On est bien, toi, moi, maman. Bon, mais je pense que t'as pas le choix, hein? Faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Ben oui, mais elle... Je vais m'en occuper un petit peu. Elle va finir par se rendre compte. Chris, des chums. Tu vois comme c'est facile entre nous deux? Pourquoi c'est si compliqué avec ces maudites femmes-là? Preniez le relais. Participez au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. En famille ou entre amis, venez vous joindre à l'un de nos 72 événements partout au Québec. Le Relais pour la vie, 12 heures qui vont changer bien plus que votre vie. Inscrivez-vous sur cancer.ca. Vous écoutez Choc FM. Amis cinéphiles, bonsoir. Nicolas Krief au micro. Bienvenue à Écran Total sur les ondes de Choc FM, la radio web de l'UQAM.